au lycée avec rien dans mon falzard. Je m'allonge sur un banc avec mes potes et je fume de l'herbe. Car je suis punk et je t'emmerde. Je ressors du bahut intellectuellement plus vite qu'avant. Les poils dans mon jean trop court. Et là je croise Jonathan. C'est mon pote, t'as quand même l'air d'une bien belle merde. Je lui dis, je suis punk et je t'emmerde. Puis je rentre chez moi, je m'allonge sur le pouf et puis je me branle. Mon kleps me mate avec des yeux de chien battu, mais je m'en branle. Je la trouve grosse et longue, mais manque de bol. Pour moi, je suis un merde. Je suis punk. Sorte chez moi, m'enfiler quelques douzaines de bières. Je passe par le cimetière, dire bonjour à ma grand-mère. Je peux pas m'attrister car aujourd'hui le soleil est superbe. Je suis punk et je t'emmerde. Puis je mets au rancard que m'a donné ma jolie blonde. Elle débarque au bar et c'est la plus sexy du monde. J'aime ses converses, mais son t-shirt Vianney me fout la gerbe. Je suis punk et je t'emmerde. Il paraît que c'est pas cool de lire sans arrêt tout ce qu'on pense. Que je me fais huer quand j'affirme que la petitude est une chance. Mais je peux me le permettre car comme le dit le proverbe, je suis punk et je t'emmerde. Wow, je suis punk et je t'emmerde. Je suis punk et je t'emmerde. Wow, je suis punk et je t'emmerde. Merci Argelès-sur-Mer. Vous étiez formidables. C'était mon meilleur concert. Veuillez applaudir désormais les musiciens. À la basse, l'excellent Personne. Et à la batterie, veuillez acclamer l'immense Personne. Saxophone, vous l'aurez reconnu, l'énormissime Personne. Et bien sûr, au chant, Tony, je m'appelle Tony. Je suis un garçon comme les autres. Tony, j'ai mes joies, mes peines, elles font ma vie comme la vôtre. Je voudrais trouver l'amour, simplement trouver l'amour. Tony, quand à la télé vous me regardez sourire et chanter, personne ne m'attend le soir. Quand je rentre tard, personne ne fait battre mon cœur lorsque s'éteignent les projecteurs. Tony, je m'appelle Tony. Je suis un garçon comme les autres. Tony, et toutes mes peines trouveront l'oubli un jour ou l'autre. Quand l'amour. Quand je trouverai l'amour. Quand je trouverai l'amour. Oh, oh. Quand je trouverai l'amour.